الحمد لله الحمد لله رب العالمين La louange est à Dieu, Seigneur des univers. نوره أضاءت له السماوات والأرض. Sa lumière a éclairé les cieux et la terre. وكرسيه وسع السماوات والأرض. Et son trône a englobé ou a dépassé avec son volume les cieux et la terre. ورحمته وسعت كل شيء. Et sa clémence, sa miséricorde est suffisante pour toute chose. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. ان الله تعالى وتبارك احب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. Dieu le Très-Haut a bien aimé son prophète Mohammed, prière et salut sur lui. وبين هذا الحب في كثير من الآيات القرآنية. Et il a indiqué cet amour dans plusieurs versets coraniques. من بين هذه الآيات قوله تعالى, parmi ces versets se trouve celui dans lequel il dit إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Certes, Dieu et ses anges prient sur le prophète, ou vous qui avez cru, invoquez pour lui sans cesse la prière et le salut de Dieu. الصلاة من الله رحمة. La prière de la part de Dieu est une miséricorde. وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ استغفار. Et de la part des anges, la prière est une demande d'absolution. وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ دُعَاءٌ بِالرَّحْمَةِ وَمَزِيدَ الشَّرَفِ وَالدَّرَجَةَ الْعُلْيَا. Et la prière de la part des croyants est une demande de miséricorde, une croissance d'honneur et un degré supérieur. Allah, Al-Khaliq, Dieu, le Créateur, Al-Qawi, le Très-Fort, Al-Kabir, l'infiniment grand, wa jami'u malaikatihi, et l'ensemble de ses anges, yusalluna ala nabi, prie en faveur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, prière et salut sur lui. ثم يأمر الله كل المؤمنين. Et après, Dieu ordonne à tous les croyants, في كل زمان وكل مكان, les croyants à toute époque et dans tout lieu, يأمرهم بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. Il leur ordonne de prier et de saluer, de prier en faveur du prophète, prière et salut sur lui. أليس هذا دليلا على الحب الكبير؟ Est-ce que ceci n'est pas une grande preuve de ce grand amour de Dieu pour son bien-aimé Mohammed, prière et salut sur lui. أليس هذا دليلا على الحب الكبير من طرف الله لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. فهل يا أخي ويا أختي تحب النبي صلى الله عليه وسلم وهل تصلي عليه كما أمرك الله. Est-ce que frère ou sœur, aimes-tu le prophète, prière et salut sur lui? Et est-ce que tu fais sans cesse des prières et des salutations en sa faveur comme Dieu te l'a demandé? وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed est l'envoyé de Dieu sincère et digne de confiance. قال لنا, il nous dit, من صلى علي واحدة, صلاة واحدة, celui qui me fait une seule prière, صلى الله عليه بها عشرة, en récompense, Dieu prie sur lui ou bien en sa faveur 10 fois. رواه الإمام مسلم, rapporté par l'imam Muslim. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka, adad al-nujum al-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nom des étoiles du ciel, wa rimal as-sahra et au nom des sables du désert, wa auladi Adam wa Hawa et au nom de la descendance d'Adam et Ève. Amma ba'd, après ceci, ayyou al-ikhwat wa al-akhawat fi l'islam, mes frères, mes sœurs en islam, ahbab al-habib Muhammadin al-Mustafa, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdalu salati wa azka salam, pour lequel on demande et on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations. Ihtafala al-alam al-islami fi hadha al-usbu' بميلاد النبي بذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. Le monde musulman a célébré pendant cette semaine l'anniversaire du Maulid du prophète, prière et salut sur lui. وأذكر بأن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت يوم الاثنين 12 ربيع الأول سنة 53 Et je rappelle que la naissance du prophète, prière et salut sur lui, a eu lieu le lundi 12 du mois Rabi' al-Awwal, printemps premier, en l'an 53 avant l'Hijra. Et là je vais formuler une remarque. Wa hiya anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam tuwfiya fi nafsi al-yawm. La remarque, c'est que le prophète, prière et salut sur lui, est décédé le même jour. Wa nafs at-tarikh, et à la même date. Wa nafs ash-shahr, et dans le même mois. Al-ithnayn, itna ashar, rabi' al-awwal. Le lundi 12 du mois printemps premier. Yawmu wiladatih, ce jour était le jour de sa naissance. Wa yawmu wafatih, et c'était en même temps le jour de son décès. فَإِذَا كَانَ اللَّهُ قَدْ أَكْرَمَ أَبَانَا آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. Si Dieu a honoré notre père Adam, prière et salut sur lui, بِالْخَلْقِ يَوْمَ الْجُمُعَ وَبِالْوَفَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَ, l'a honoré par sa création le jour du vendredi et par son décès le jour du vendredi, comme rawahu l'imam Ahmad wa Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Ibn Majah, comme l'ont rapporté l'imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i et Ibn Majah. Faqad akram Allah nabiyyana Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. De la même manière, Dieu a honoré notre prophète Muhammad, prière et salut sur lui, bil wilad wal wafat fi nafs al yawm. Par la naissance, il l'a honoré par la naissance et le décès dans le même jour, al-ithnayn, lundi. Wa nafs at-tarikh, itna ashar, et la même date, 12. Wa nafs ash-shahr, rabi' al-awwal, et le même mois, printemps premier, dans lequel on se trouve actuellement. Wa lihada aghtanim hadhihi al-munasabah. مناسبة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. Raison, je profite de cette occasion du décès du prophète, prière et salut sur lui. لدعوتكم إلى سفر عبر الزمن إلى سنة 11 هجرية. Je vous invite à cette occasion à accomplir un voyage à travers le temps vers l'année 11 après l'Hijra. لمرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في أيامه الأخيرة من حياته, afin d'accompagner le prophète, prière et salut sur lui, dans les derniers jours de sa vie. وها هو النبي عليه الصلاة والسلام في جوف الليل يقول لأبي مويهبة. Et le voici, prière et salut sur lui, au cœur de la nuit, dire à Abu Mouayhiba, أبو مويهبة مولى للنبي صلى الله عليه وسلم, يعني عبد أعتقه النبي. أبو مويهبة c'était un esclave affranchi par le prophète. قد أمرت, قال له في جوف الليل, قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع. Il lui a dit, au cœur de la nuit, j'ai reçu l'ordre de formuler des demandes d'absolution pour les gens de ce terrain, al-Baqi', Maqbara bil Medina, il s'agit d'un cimetière à Médine, à côté de la mosquée du prophète. Fantaliq ma'i, accompagne-moi. Falamma wasala, lorsqu'ils arrivèrent, qala alayhi salatu wa salam, il dit prière, il s'agit sur lui, assalamu alaykum ya ahl al maqabir. Assalamu alaykum, ô habitants des tombes. Liyahna lakum ma asbahtum fima asbah an-nasu fi. Félicitations pour ce que vous êtes devenus par rapport à ce que les gens sont devenus. Aqbalatil fitanu mithla qita'i al-layl al-mudri yatba'u akhiruha ulaha. Les épreuves sont venues comme des pièces de nuit obscures qui se succèdent, les unes suivent les autres. Al-akhiratu sharrun min al-ula, chacune est pire que la précédente. Thumma qala li sahibihi, et après il a dit à son compagnon Abu Muhayba, inni u'titu mafatiha khaza'in ad-dunya wal khuld fiha, on m'a offert les clés de tous les trésors de ce bas monde et d'y vivre éternellement. فَخُيِّرْتُ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ لِقَاءِ رَبِّي وَالْجَنَّةِ. Et on m'a proposé le choix entre les trésors, la vie éternelle, et entre la rencontre de mon Seigneur et le paradis. فَقَالَ أَبُو مُوَيْهِبَ. Abu Muhayba dit, أَفْدِيكَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي. Je te protège par mon père et ma mère. فَخُلْ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الدُّنْيَا. Prends les clés des trésors de ce bas monde, وَتَخْلُدْ فِيهَا ثُمَّ الْجَنَّةِ, et d'y vivre éternellement, et après, ça va être le paradis. قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Il dit, prière et salut sur lui, لَا وَاللَّهِ أَبَا مَوْهِبَ. Au nom, par Dieu, ou Abu Muhayba, قَدْ اخْتَرْتُ لِقَاءَ رَبِّي وَالْجَنَّةِ. J'ai bien choisi, ou plutôt j'ai choisi la rencontre de mon Seigneur et le paradis. ثُمَّ اِسْتَغْفَرَ لِأَهْلِ الْبَقِيَ. Et par la suite, il demanda des absolutions pour les gens de l'Baqiyya. ثُمَّ رَجَعَ, et il revint. رواه ابن إسحاق ابن سعد أحمد أبو داود النسائي وابن ماجة. Rapporté par ابن إسحاق ابن سعد أحمد أبو داود النسائي ابن ماجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمام الاختيار الذي عرضه الله عليه. Le prophète prière et salut sur lui, devant ce choix proposé à lui par Dieu, إما خلود في الدنيا مع خزائنها, soit une vie éternelle dans la vie ici-bas avec tous ses trésors, et après le paradis, ثم الجنة أو لقاء الله والجنة, ou bien la rencontre tout de suite avec Dieu et le paradis. قال اخترت ربي والجنة. Il a répondu sans réfléchir, j'ai choisi la rencontre avec mon Seigneur et le paradis. إنه لم ينسى هذه الآية التي نزلت عليه بمكة منذ أكثر من 20 سنة. Il n'a pas oublié ce verset coranique qu'il a reçu dans la Mecque depuis plus que 20 ans. وللآخرة خير لك من الأولى. La vie ultime est certes meilleure que la vie présente. فلما رجع صلى الله عليه وسلم من البقيع, après son retour du cimetière, رجع مريضا, il revint en tant que malade. وجد عائشة رضي الله عنها تقول ورأسه. Il a trouvé, il a rencontré sa femme Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, qui disait « Oh ma tête !» Elle se plaignait de sa tête. « Faqala alayhi salatu wassalam » Il lui dit, prière et salut sur lui, « Bal ana wallahi ya Aïcha wa ra'sa » Plutôt c'est moi, oh Aïcha, qui va dire « Oh ma tête !» Thumma izdada alayhi l'alam » Et après la souffrance a augmenté pour lui. « Wa amama shiddati l'marad » Devant l'ampleur de la maladie, الذي أجلسه, cette maladie qui l'a empêché de se lever, صار لا يستطيع التنقل بين نسائه, il devint incapable de se déplacer entre ses femmes, كما كان يفعل قبل المرض comme ce qu'il faisait avant la maladie. كان يذهب كل يوم عند امرأة. Il partait chaque jour ou chaque nuit chez une de ses femmes. وشعرت نساؤه برغبته في أن يمرض عند عائشة رضي الله عنها. Et ses femmes ont compris son désir d'être soigné auprès de Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle. Lima ya'lamna min mahabbatihi laha, parce qu'elle connaissait son amour pour elle. Fa'adhinna lahu fi dhalik. Et elles lui ont autorisé ceci. Lam yakun jabbaran, intadara al-ibn min nisa'ihi, kay yadhhab 'inda 'Aisha. Ma qala ana rasulullah adhhab 'inda 'Aisha, la uridu kun. La intadhar al-ibn min 'ind nisa'ihi. Sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhunna. Donc il n'était pas un tyran bien dictateur, plutôt il a attendu l'autorisation venue de la part de ses femmes qui lui ont autorisé d'aller se soigner dans la chambre de 'Aisha. Fa kharaja ila baytiha min 'indi ميمونة يتوكأ على الفضل ابن العباس وعلي ابن أبي طالب رضوان الله عليهما. لم يستطع أن يمشي. يتكئ على رجلين. Donc il n'a pas pu sortir et marcher normalement. Plutôt, il est sorti de la chambre de Meymouna pour aller entre deux hommes, en s'appuyant sur deux hommes qui étaient Al-Fadl, fils de l'Abbas, et Ali, fils de Abu Talib, que Dieu soit satisfait des deux. Wa fi bayt Aisha, dans la chambre de Aisha, wa raghm al-alam al-shadid, et malgré l'extrême souffrance, ahabba an yara ashabahu ridwanullahi alayhim. Il a souhaité voir ses compagnons, que Dieu soit satisfait d'eux. Li'annahu ya'rifu hubbahum lahu, parce qu'il connaissait leur grand amour pour lui. وحزنهم بسبب مرضه, et il connaît leur tristesse à cause de sa maladie. فطلب من أقاربه, il a demandé à ses proches أن يساعدوا على الاغتسال, de l'aider à prendre un bain. ثم خرج إلى المسجد عاصبا رأسه, il est sorti vers la mosquée avec une bande autour de la tête. فجلس على المنبر, il s'assit sur le منبر. فدعا لشهداء أحد, il pria en faveur des martyrs de Uhud. واستغفر لهم, et il demanda des absolutions pour eux. ثم قال, et par la suite il dit, عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده. Un esclave, un serviteur, Dieu lui a laissé le choix entre avoir la fleur de ce bas monde, les richesses de ce bas monde, et ou bien avoir ce que ou ce qu'il y a auprès de Dieu. فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ, et ce serviteur a choisi ce qu'il y a auprès de Dieu. فَبَكَ أَبُو بَكْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, Abu Bakr, que Dieu soit satisfait de lui pleura. لِأَنَّهُ فهم معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم, parce qu'il a compris le sens de la parole du prophète, prière et salut. فقال, il dit rapidement, فديناك بآبائنا وأمهاتنا, nous te protégeons par la vie de nos parents et nos mères. وتعجب الصحابة من أبي بكر, les compagnons s'étonnèrent de l'action de Abu Bakr. Al-Nabi, alayhi salatu wa salam, yatakallam an abd, le prophète, prière et salut sur lui, est en train de parler d'un serviteur, un esclave. Wa huwa yabki, et Abu Bakr pleure. Walakinahum sayafhamuna min ba'd bi anna al-abd huwa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils vont comprendre par la suite que le serviteur n'était que le prophète, prière et salut sur lui. Wa anna Abu Bakr a'lamahum, et ils vont comprendre que Abu Bakr était le plus savant parmi eux. Faqala an-nabi alayhi salatu wa salam, le prophète, prière et salut sur lui, dit, ala rislika ya Abu Bakr, attends un peu ô Abu Bakr. أيها الناس, ô gens, إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر. la personne envers laquelle je suis vraiment redevable en ce qui concerne sa fortune et son amitié, eh bien Abu Bakr. ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. Et si je pouvais prendre un confident intime, je le prendrais comme confident intime. ولكن أخوة الإسلام, mais plutôt il y a entre nous la fraternité de l'islam. لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. معنى لا يبقى في المسجد باب مفتوح, كل الأبواب تغلق من اليوم, إلا باب أبي بكر. Qu'aucune porte ne reste ouverte dans la mosquée à part celle d'Abu Bakr. متفق عليه, unanimement authentique. وإني فرط لكم, je vais vous précéder. وأنا شهيد عليكم, je serai témoin de ce que vous faites tous. وإني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي. Par Dieu le Très-Haut, je ne crains pas que vous deveniez des associateurs après ma mort. ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها. Mais je crains pour vous la vie ici-bas et votre concurrence pour la vie ici-bas. رواه الإمام مسلم, rapporté par l'imam Muslim. ورجع صلى الله عليه وسلم إلى البيت, et par la suite, prière et salut sur lui, il revint à sa maison. فزداد عليه الألم, et l'ampleur de la souffrance augmenta encore. وزاره بعض أصحابه, l'un de ses amis lui a rendu visite, ou quelques-uns de ses amis lui ont rendu visite. Zarahu ba'du ashabi, faqala lahum, il leur dit, halummu aktub lakum kitaban la tadillu ba'dahu, venez, je vais vous dicter un texte que vous devez écrire et avec lequel vous ne pouvez jamais vous égarer. Faqala ba'duhum, inna rasulallah alayhi salatu wassalam qad ghalabahu alwaja. Quelques-uns parmi ce groupe dirent, le prophète, prière et salut sur lui, est en train de souffrir. Et vous avez auprès de vous le Coran. Hasbuna kitabullah. Le livre de Dieu nous suffit. Fakhtalafa ahlul bayt. Et les gens qui étaient proches de lui se sont partagés. Faminhum man yaqul qarribu yaktub lakum kitaban ahdan wasiya. Quelques-uns dirent, donnez-lui, ou on s'approche de lui pour qu'il nous écrive un livre ou un texte. Et d'autres dirent le contraire. Lorsqu'ils augmentèrent, ou lorsque le bruit et le désaccord entre eux augmentèrent, le prophète, prière et salut sur lui, leur dit, levez-vous. وبعد ذلك صار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع الخروج إلى الصلاة مع الناس. Par la suite, le prophète, prière et salut, ne pouvait plus sortir pour faire la prière avec les gens. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. Il leur dit, demandez à Abu Bakr, ordonnez à Abu Bakr de diriger la prière devant les gens. فقالت عائشة رضي الله عنها, عائشة la fille d'Abu Bakr, que Dieu soit satisfait des deux, dit, يا رسول الله, ô messager de Dieu, إن أبا بكر رجل أسيف, رجل رقيق كثير البكاء. Abu Bakr est un homme sensible qui pleure beaucoup lorsqu'il commence à lire le Coran. وأنه إذا قام مقامك لم يكد يسمع الناس. Et s'il prend ta place, les gens risquent de ne pas entendre sa voix à cause de ses pleurs. فقال صلى الله عليه وسلم, le prophète, prière et salut lui dit, إن كنا صواحب يوسف, vous êtes les copines de Joseph, ça veut dire prière et salut sur lui, مروا أبا بكر فليصلي بالناس, demandez, ordonnez à Abu Bakr qu'il dirige la prière devant les gens. وبدأ أبو بكر يصلي إماما بالناس, Abu Bakr commença à diriger les prières devant les gens. مكان النبي صلى الله عليه وسلم à la place du prophète, prière et salut sur lui. ودخل ابن مسعود رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود que Dieu soit satisfait de lui entra chez le prophète prière et salut sur lui ومسه بيده et le toucha avec sa main ثم قال يا رسول الله. Par la suite il dit au messager de Dieu إنك لتوعك وعكا شديدا يعني أنت تتألم تتوجع وجعا شديدا. Tu es en train de subir une grande douleur, ô messager de Dieu. فقال صلى الله عليه وسلم, il dit prière et salut sur lui, أجل. إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. Oui, je subis la douleur que peut subir ou que peut supporter deux hommes parmi vous. فقال عبد الله ابن مسعود, عبد الله fils de مسعود dit, ذلك أن لك أجرين. C'est parce que tu auras deux salaires. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام, et le messager de Dieu prière et salut sur lui dit, أجل. Oui. ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه. Il n'y a pas un musulman, chaque musulman qui est touché par une maladie ou quelque chose qui est moindre que la maladie. إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. Avec cette maladie, Dieu lui fait tomber ses péchés comme l'arbre qui fait tomber ses feuilles. Muttafaqun alayhi, unanimement authentique. Qalat Aisha. Aisha dit, ma ra'aytu al-waja'a ala ahadin ashadd minhu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Yani fi hayatiha kulla ma ra'at insan ta'addab مثل عذاب النبي صلى الله عليه وسلم في الموت أو في المرض. Elle dit, je n'ai jamais vu quelqu'un souffrir d'une douleur plus que celle du messager de Dieu, prière et salut sur lui. رواه الإمام مسلم, rapporté par l'imam مسلم. ولم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام للمسجد ثلاثا. Et après le prophète, prière et salut sur lui, n'est pas sorti vers la mosquée pendant trois jours. رواه البخاري, rapporté par البخاري. وفي يوم الاثنين 12 ربيع الأول سنة 11 هجرية et le lundi 12 du mois printemps premier de l'année 11 après l'Hégire وبينما الناس يصلون خلف أبي بكر et pendant que les gens priaient devant derrière Abu Bakr que Dieu soit satisfait de lui إذا بالستر المضروب على حجرة عائشة يرفع. Le voile de la porte de Aïcha se leva, قد كشف وظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et le messager de Dieu, prière et salut sur lui, est apparu dans cette porte. فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة. Il les regarda dans leur rangée de prière, ثم تبسم صلى الله عليه وسلم. Puis il sourit. قال الصحابة. Les compagnons dirent par la suite, ما نظرنا منظرا أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا. Nous n'avons jamais vu une scène plus aimée à nous que le visage du prophète, prière et salut sur lui, lorsqu'il apparut devant nous. وأراد أبو بكر الرجوع للصف. Et Abu Bakr voulut reculer vers la rangée pour laisser la place au prophète, prière et salut sur lui. Vannan anna Rasulallah alayhi salatu wassalam sayusalli bihim. En pensant que le prophète, prière et salut sur lui, est revenu pour présider ou pour diriger la prière devant les musulmans. Wa fariha al-muslimun bi Rasulillah alayhi salatu wassalam. Et les musulmans devinrent heureux par le retour ou devant le retour des messagers de Dieu. فأشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم. Il leur fit un signe avec sa main comme quoi continuez votre prière. ثم دخل الحجرة. Il entra vers sa chambre de Aïcha وأرخى الستر. Et le voile tomba. متفق عليه. Unanimement authentique. وانصرف الناس من صلاتهم. Les gens partirent après leur prière de l'aube, salat al-fajr. ظنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شوفي من مرضه. Et dans leur tête, il y avait l'idée de la guérison du prophète, prière et salut sur lui, de sa maladie. ولكنهم سيفهمون من بعد أنها كانت نظرة وداع. من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. Par la suite, ils vont comprendre que ce n'était qu'un regard badieux de la part du messager de Dieu, prière et salut sur lui, vers ses compagnons avant sa mort. ونام صلى الله عليه وسلم ورأسه على صدر عائشة رضوان الله عليها. Il dormit, prière et salut sur lui, avec sa tête contre la poitrine de Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle. ودخل عبد الرحمن وبيده السواك. عبد الرحمن, le frère de Aïcha, entra et dans sa main il y avait le siwak, un petit bâton pour nettoyer les dents. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم. Et le prophète, prière et salut sur lui, le vit. وكان يحب السواك, et il aimait le siwak. فقالت عائشة أخذه لك. عائشة lui dit, je le prends, c'est-à-dire ce petit bâton à siwak pour toi. فأشار برأسه نعم. Il indiqua avec sa tête comme quoi oui. فوجده صلبا. Il le trouva dur. فقالت ألينه لك. Elle dit, est-ce que je te le radoucis? فأشار برأسه نعم. Il indiqua avec sa tête oui. Il ne pouvait même plus parler. فلينته له. Elle lui a radouci le petit bâton de siwak. مضغته. Elle l'a mâché. فكانت تقول. Elle disait, جمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. Elle disait par la suite, Dieu le Très-Haut a uni entre ma salive et la sienne dans le dernier jour de ce bas monde pour lui et le premier jour de l'au-delà. ثم دخلت فاطمة رضوان الله عليها. Par la suite, Fatima, sa fille, que Dieu soit satisfait d'elle, entra. وقالت وكرب أبا. Elle dit, oh, quelle souffrance pour mon père. فقال صلى الله عليه وسلم. Il dit, prière et salut sur lui, ليس على أبيك كرب بعد هذا اليوم. رواه الإمام البخاري. Il a donné cette réponse, il n'y aura plus aucune souffrance pour ton père à partir d'aujourd'hui. Il a compris que c'était le jour de sa mort. وقال لها. Il lui a dit, مرحبا بابنتي. Bienvenue à ma fille. وكان يحب فاطمة. Il aimait beaucoup Fatima. Il lui a dit, bienvenue à ma fille. ثم صارها بشيء فبكت. Et après, il lui a dit quelque chose à voix basse dans son oreille et elle pleura. ثم صارها فضحكت. Et après, il lui a soufflé quelque chose dans l'oreille et elle rit. وسألتها عائشة رضوان الله عليها. عائشة lui a posé la question, l'interrogea à propos de ce rire et de ses pleurs. فقالت فاطمة رضوان الله عليها. Et Fatima, que Dieu soit satisfait d'elle, dit, ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Je ne peux pas dévoiler le secret du messager de Dieu, prière et salut sur lui. وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام, après son décès, prière et salut sur lui, سألتها عائشة مرة أخرى. عائشة l'a interrogée une deuxième fois. فقالت فاطمة رضوان الله عليها. À ce moment-là, Fatima a donné une réponse. قال لي في الأول. À la première fois, il m'a dit, إن جبريل كان يعارضني في القرآن كل سنة مرة. L'archange Gabriel révisait avec moi le Coran une fois pendant chaque année. وقد عارضني في هذا العام مرتين. Mais cette année, il a révisé avec moi le Coran deux fois. ولا أرى ذلك إلا لاقتراب أجلي. Et j'ai compris qu'il s'agit de la proximité de ma mort ou de la fin de ma vie. فَاتَّقِ اللَّهَ وَاصْبِرِي. Crains pieusement Dieu et supporte avec patience. فَبَكِيتُ. Et j'ai pleuré. ثُمَّ قَالَ لِي. Et après il m'a dit, أَمَا تَرْضَيْنَا أَن تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ. N'acceptes-tu pas d'être la première dame des femmes des croyants? فَضَحِكْتْ. Et j'ai ri. Muttafaqun alayh. Unanimement authentique. ومن بين آخر الوصايا التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته parmi les derniers testaments prononcés par le prophète, prière et salut sur lui, avant sa mort, as-salat, as-salat, as-salat, wa ma malakat aymanukum, la prière, ça veut dire ne ratez pas la prière, n'abandonnez pas la prière. Il parlait avec ses amis, mais il parlait avec nous, avec nos enfants, à travers ses amis. كان يتكلم مع أصحابه ولكن في الحقيقة كان يتكلم معنا ومع أبنائنا عبر أصحابه. الصلاة وما ملكت أيمانكم. ما ملكت أيمانكم بمعنى نساؤكم. أوصيكم يا رجال بالنساء. أوصيكم بالنساء ملك اليمين ملكتم النساء بيمينكم عن طريق الزواج عن طريق كتاب الله عن طريق الميثاق الغليظ وما ملكت أيمانكم الصلاة ونساؤكم يكررها حتى ما كاد يفيض بها لسانه. Donc pendant les derniers testaments c'était la prière et ce que vos mains ont possédé, et ceci en arabe signifie vos femmes, vos épouses, parce que vous avez possédé, ça veut dire grâce au mariage, grâce au contrat énorme devant Dieu subhanahu wa ta'ala, la possession de ces femmes. Donc faites attention à vos femmes. Soyez gentils, soyez doux avec vos femmes. C'était le dernier testament, la prière. Et les femmes. As-salat, wa ma malakat aymanukum. Il répétait ces deux phrases jusqu'au point ou jusqu'au moment où sa langue ne pouvait plus bouger pour prononcer ces deux phrases. Rawa Ahmed wa al-Nasa'i wa al-Bayhaqi, rapporté par l'imam Ahmed, l'imam al-Nasa'i et l'imam al-Bayhaqi. Ukhti, ma sœur, ara'aiti. كم دافع عنك النبي صلى الله عليه وسلم. As-tu vu combien le prophète prière et salut sur lui a défendu? حتى وهو يقاوم الألم الشديد, même lorsqu'il luttait contre la douleur suprême, ألم الموت, la douleur de la mort, يدافع عنك, il te défendait. أرأيت كم أحبك. As-tu vu combien il t'a aimé? فهل أحببت هذا النبي صلى الله عليه وسلم. Ma sœur, as-tu aimé ce prophète prière et salut sur lui? مثل حبه لك, comme son amour pour toi. هل اتبعتيه في حياتك, l'as-tu suivi pendant ta vie? أم اتبعتي الذين أحبوا جسمك ومصالحهم فيك, ou bien as-tu suivi les gens qui n'ont aimé que ton corps et que leurs propres intérêts? وبدأت سكرة الموت تتغشى, et il a commencé, ou les agonies ont commencé. فكان يدخل يده في الماء, il entrait sa main dans de l'eau. ويمسح بها وجهه, et il essuyait son visage. ويقول, et disait, لا إله إلا الله, إن للموت سكرات, il n'y a aucune divinité à part Dieu, la mort a certes des affres. رواه البخاري, rapporté par l'imam البخاري. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأحبابه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. أما بعد, عباد الله, après ceci, serviteur de Dieu, تقول عائشة رضوان الله عليها, عائشة, que Dieu soit satisfait d'elle, dit: ثم نصب يده, et après il a levé sa main vers le ciel. فجعل يقول, il a commencé à dire, في الرفيق الأعلى, vers le compagnon suprême, vers le compagnon très haut, Firrafiq al-Ala, yuraddidwa, il l'a répété, hatta qubit, jusqu'à sa mort, wa malat yada, et sa main tomba. Muttafaqun alayh, unanimement authentique. Wa ntashara al-khabaru fil Madina, l'information se propagea rapidement dans Médine, wa mtala al-masjid, la mosquée s'est remplie, wa nnasu yabkoun, les gens pleuraient, وعمر رضي الله عنه يقول وعمر رضي الله عنه لم يقبل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات et Omar n'a pas accepté le fait que le prophète soit mort وتوعد بالقتل من قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات il a promis la mort il a promis de tuer celui qui va dire et répéter comme quoi le prophète est mort رواه الإمام البيهقي rapporté par l'imam البيهقي ثم جاء أبو بكر أبو بكر par la suite arriva فلم يكلم أحدا إن parlé avec personne فكشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم il a découvert le visage du prophète prière et sagerie فقبله il l'embrassa وبكى et il a pleuré ثم قال et après il a dit بأبي أنت وأمي je te protège par mon père et par ma mère لا يجمع الله عليك موتتين Dieu ne va pas te faire subir deux fois la mort أما الموت التي كتبت عليك فقد متها en ce qui concerne la mort que tu devais mourir tu l'as subi رواه البخاري rapporté par l'imam al-Bukhari ثم خرج للمسجد il sortit par la suite vers la mosquée وعمر يقول بأن رسول الله لم يموت رسول الله لم يموت il a vu Omar qui répétait le messager de Dieu n'est pas mort ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى عليه السلام mais plutôt il est parti vers son Seigneur exactement comme Moïse qui est parti chez son Seigneur وأنه صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله المنافقين et comme quoi il ne connaîtra la mort ou il ne subira la mort que lorsqu'il exterminera grâce à Dieu tous les hypocrites فقال له أبو بكر أبو بكر lui dit على رسلك يا عمر انصت أو عمر écoute Attends un petit peu, écoute-moi. Mais Omar a continué à parler comme s'il n'a pas entendu Abu Bakr. Abu Bakr l'a abandonné et s'adressa vers la foule. Les gens qui l'ont entouré par la suite. Et les gens qui se sont éloignés de Omar dans la mosquée. Il dit, après ceci, أيها الناس أو جو من كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات celui parmi vous qui adorait Mohammed prière et salut sur lui je vous dis Mohammed est mort ومن كان منكم يعبد الله et celui parmi vous qui adorait Dieu فإن الله حي لا يموت Dieu certes il est vivant et immortel قال الله تعالى Dieu le Très-Haut a dit وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل محمد n'est qu'un messager précédé par d'autres messagers أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا Est-ce que s'il meurt, ça veut dire محمد ou s'il est tué, vous tomberiez dans l'apostasie, celui qui tombe dans l'apostasie ne nuira jamais en rien à Dieu. Et comme si les gens n'ont jamais su que Dieu a révélé ce verset à son messager, jusqu'au point que ce verset a été récité par Abu Bakr, Omar dit, Wallahi, ما إن سمعت أبا بكر تلاها par Dieu dès que j'ai entendu Abu Bakr réciter ce verset فعقرت je suis devenu paralysé ما تقلني رجلي mes deux pieds ne pouvaient plus me porter وحتى هويت إلى الأرض et tout de suite je suis tombé vers le sol وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات et j'ai compris que le prophète prière et salut sur lui est bien mort rapporté par l'imam al-Bukhari. « كيف كان الصحابة Ridwanullahi alayhim yuhibbuna an-nabi. Avez-vous vu comment les compagnons aimaient le prophète, prière et salut sur lui? Fahal nuhibbuhu mithla hubbihim. Est-ce qu'on va l'aimer exactement comme leur amour? Wartajat al-Madina sayha wahida bil buka. Et Médine a tremblé par un seul cri qui sortait de toutes les bouches, par les pleurs. ودفن صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء. Il fut enterré, prière et salut sur lui, mardi, ça veut dire le lendemain. وقالت فاطمة رضوان الله عليها. Et Fatima, que Dieu soit satisfait d'elle, dit: ثم قالت يا أنس, ô Anas, أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. Est-ce que, ô Anas, est-ce que maintenant vous êtes heureux d'avoir mis et placé sur le messager de Dieu de la terre? Rawah al-Bukhari, rapporté par al-Bukhari. Thumma qalat, et après ceci, Fatima dit: wa abata, ajaba rabban du'a. Oh mon père, le Seigneur a exaucé ses prières. Ya abata, min jannatil firdausi ma'wa. Oh mon père, le paradis du haut est sa demeure. وفي صباح الأربعاء le matin du mercredi, أذن بلال رضي الله عنه بالفجر كالعادة. Bilal, que Dieu soit satisfait de lui, a proclamé l'appel à la prière comme son habitude. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il a cité le nom du prophète, prière et salut, أشهد أن محمدا رسول الله, je témoigne ou j'atteste que Muhammad est le messager de Dieu, بكى, il a pleuré, وأبكى الناس جميعا, et il a fait pleurer tout le monde. ومات صلى الله عليه وسلم, il est mort, prière et salut sur lui, ولكن نوره لم يمت, mais sa lumière n'est pas morte. ولكن سنته لم تموت, et sa sunna, sa tradition n'est pas morte. والقرآن الذي أتى به لم يموت, et le Coran qui nous a ramené n'est pas mort. فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فعليه بالقرآن والسنة. Celui qui aime vraiment le prophète, prière et salut sur lui, il doit s'accrocher, il doit s'attacher, il doit suivre le Coran et la Sunna. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا. اللهم إني داع فأمنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب يا من لا إله إلا أنت, اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته, إنك لا تخلف الميعاد. يا رب يا من لا إله إلا أنت, نسألك في هذا اليوم, اللهم املأ قلوبنا بمحبته, اللهم اجعلنا من الذين أحبوه واجعلنا من الذين اتبعوه برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب اجمعنا معه يوم القيامة أمام الحوض. يا رب اجعله يشفع لنا ولزوجاتنا ولأولادنا ولأجدادنا ولكل المسلمين. اللهم أدخلنا معه إلى الجنة. اللهم لا تفرق بيننا وبينه غدا يوم القيامة. اللهم لا تطرحنا في جهنم بعيدين عنه. اللهم اجعلنا معه في الجنة. اللهم اجعلنا طول حياتنا من أحبابه وليس من أعدائه. اللهم اجعلنا ندافع عنه ونوقره ونحترمه ونحبه ونفديه كما كان يفعل صحابته برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب يا من لا إله إلا أنت,